mais plutôt unité d'enseignement dans le jargon actuel, codé LMD 150, enregistrement numéro 2. Nous sommes toujours le 15 décembre 1990. Soit en français moderne, la phrase Il y a sur le banc peint et blanc un beau brun qui a faim et qui boit du bon vin. Les mots banc, pain, blanc, un, brun, faim, bon, vin comportent des voyelles nasales. À l'époque des copistes de notre mort Arthur et de notre Perceval, ces mots se prononceraient respectivement chez eux, bank, paint, blank, une, brune, fine, bon, fine. Entendez-vous ce qui distingue la prononciation d'alors de celle d'aujourd'hui? Voici un choix de règles concernant la nasalisation pour l'ancien français du début du XIIIe siècle. En premier lieu, les consonnes nasales sont toutes prononcées. Exemple, ligne 1, contes, cante. Ligne 4, sun, S-U-E-N. Ligne 6, lendemain. Deuxièmement, les voyelles i et u ne sont pas nasalisés. Exemple, ligne 9, une, pues. Ligne 15, chemin. En troisième lieu, la lettre O plus consonne nasale se prononce om. Exemple, ligne 1, contes. Ligne 5, compagnie. En quatrième lieu, la lettre A plus consonne nasale se prononce en. Exemple, ligne 1, Kant, ligne 20, Roman Noir, ligne 48, Chambre. En cinquième lieu, la lettre E plus consonne nasale a trois façons de se prononcer. Désolé, trois façons. À la sixième personne, ce qui est écrit E, N, T, et qui ne tombe jamais sous l'accent tonique, peut se prononcer ent. Exemple, ligne 15, perdirent. Ligne 16, allerent. Ensuite, la séquence écrite i, e, n se prononce yen. Exemple, ligne 20, vient. Ligne 28, pien. Enfin, et ce qui nous reste est le cas général, la lettre E suivie d'une consonne nasale prend le plus souvent le son A. Exemple, ligne 2, entre. Ligne 6, s'en allast. Relisons les exemples. Perdirent, allerent, vient, bien, entre, s'en allast. Ce n'est pas très difficile, il suffit de se laisser guider par la prononciation d'aujourd'hui. Vous pouvez trouver aussi des diphtongues nasalisés. Ce qui est écrit A, I plus nasal, et ce qui est écrit E, I plus nasal, se prononcent de la même façon. Ein. Exemple, ligne 24 de Main. Et c'est tout. Nous prenons congé des nasalisations sur cette mention pour aborder de façon plus générale la question des diphtongues. Dans La mort Arthur et dans Perceval, peut-être, on peut décider de ne prononcer comme diphtongue que trois groupes de lettres. Les séquences A, I plus consonne nasale et E, I plus consonne nasale, dont nous avons déjà parlé, et d'autre part, la séquence A, U, qui se prononce AU. Exemple, ligne 3, il tchebaucha, ligne 36, haut. En dehors de ces cas, pas de diphtongue. En particulier, A, I, non suivi de consonne nasale, se prononce E à la finale absolue, ou le plus souvent E. Exemple, ligne 45 à Mangré, O, U se prononce OU. Exemple, ligne 13, toutes. E, U se prononce E. Exemple, ligne 42, tus. U, E se prononce également E quand ces deux signes vocaliques appartiennent à la même syllabe. Je reviendrai sur ce point. Exemple, ligne 35, treuve. Pour en finir avec les principaux points touchant la prononciation des voyelles, apprenez à bien lire la lettre O. Pratiquement, O non suivi de consonne nasale et non suivi de la lettre U peut traduire trois sons. Le son A, A ouvert, qu'on entend par exemple dans accorde, ligne 27. Le son O, O fermé, qu'on entend par exemple dans le verbe écrit O, S, M, E, R, absent de la mort le roi Arthur, qui se prononce Omer et qui signifie flairer. Et enfin, le son OU, que l'on entend par exemple dans le mot tour de la ligne 3. Au XIIIe siècle, la lettre O correspond souvent à une prononciation OU. C'est ce qui se produit en particulier dans deux cas de figure. Premièrement, dans les mots qui se prononcent aujourd'hui avec le son OU. Exemple, ligne 3, le premier jour. Ligne 7, séjourna. Ligne 8, tres jours. Ligne 17, que ferons-nous? Nous avons perdu. Ligne 21, nous ne ferions. Ligne 29, si ou iront. Le second cas de figure est le suivant. Lorsqu'un mot se termine par les lettres O-R ou par les lettres O-R-S et que ces terminaisons ont abouti en français moderne à EUR, EURS, c'est-à-dire E-U-R, E-U-R-S, alors cette terminaison écrite O-R ou O-R-S, vous devez la lire OUR, ours. Exemple, ligne 15, ils perdirent leur droit chemin. Autre exemple, Seigneur écrit S-E-I-G-N-O-R un peu partout. Exemple pris dans Perceval, édition Le Quoi, vers 1684. Lit Vavasours, vers 1255, Emours, le mot signifie honneur, vers 2256, Seigneur. J'en ai terminé avec l'exposé des principales règles de prononciation. Nous allons en faire l'application en lisant à la suite du paragraphe 48. Je reprends la lecture à la ligne 49 du paragraphe 48. Comment fait sa grumors? N'a-il point de seigneur? Non, il fait-il. Or va donc tost et revient tost, fait sa grumors, car je ne veux pas si de mourir. Les valets montent les degrés et viennent à sa dame. S'il compte son message tout enceinte, comme sa grumors lui avouait dit, que le roi Artus voulait être la nuit les ans. Et si tost comme morgue entend cette parole, si en a trop grand joie, et répond aux valets. va vistement arrière et dit aux chevalières qu'il amène le rouet, car il sera rutsuts au mieux que nous pourrons. Est-il revient à sa grand-mère. S'il lui dit ce que sa dame lui demande. Maintenant, vous pouvez réécouter tout ce qui a été lu. Si vous êtes attentif, vous aurez noté que certaines façons de prononcer n'ont pas été commentées. J'aborde un exposé un peu plus pointu que celui qui précède. Je m'intéresserai à deux séries de faits. La première concerne la prononciation de la lettre L placée à l'intérieur d'un mot devant une consonne. À la ligne 20, ce qui est écrit M, I, E, L, Z a été prononcé mutz. Aux lignes 39 et 43, ce qui est écrit V, E, L, T a été prononcé vote. À la ligne 36, ce qui est écrit M, O, U, L, T a été prononcé mout. Méfiez-vous de ces L internes préconsonantiques. La plupart du temps, pour des raisons que je n'exposerai pas ici et dont vous trouverez la réponse dans phonétique et morphologie historique, ces lettres L sont des graphies très conservatrices et vous devez mentalement leur substituer la lettre OU. D'où, dans nos trois exemples, les prononciations mutz, vut et mut. Dans ce dernier cas, le L est purement décoratif. Quelques exemples maintenant, tirés du Perceval édition Le Quoi, et tirés plus précisément du texte que je lirai tout à l'heure, vers 72, tout seulement, écrit D, O, L, C, E, M, A, N, T, vers 74, Fitz, écrit F, I, L, Z, vers 87, Dutz, écrit D, O, L, Z, et vers 98, Autre, écrit A, L, T, R, E. La deuxième série de faits à commenter touche la prononciation de la lettre O. En effet, j'ai insisté sur les O correspondant à la prononciation OU, mais j'ai omis d'autres questions. J'ai prononcé ligne 11, encore. Ligne 27, l'IROS s'accorde. Ligne 29, une corde. Ligne 51, or va avec un O ouvert, et cela vous paraît naturel, parce que le O de ces mots est resté ouvert en français moderne. Mais j'ai voulu prononcer ligne 19, nostre. Ligne 23, fostre. Ligne 28, chose. Ligne 36, close. Ligne 56, toast. Et tous ces mots se prononcent aujourd'hui avec un O fermé, du moins en français standard. En fait, si vous vous interrogez sur la prononciation de ces mots en ancien français, vous devez vérifier à l'aide d'un manuel de phonétique historique et ou d'un dictionnaire que la qualité de la voyelle ou diphtongue tonique de leur étymone, ainsi que l'entourage phonétique de cette voyelle, que ces deux facteurs, donc, conduisaient nécessairement à une prononciation O ouvert jusqu'au cours du XIIIe siècle. J'adopte, je le répète, une prononciation conservatrice. Si l'on vous interroge sur l'histoire phonétique du mot causam, C-A-U-S-A-M, SAM, qui a abouti en français moderne à chose au fermé en français standard. Autant être sur vos gardes plus tard, quand on vous interrogera en phonétique historique, et bien connaître l'existence de l'intermédiaire chose. Cette existence, vous la retiendrez et vous la fixerez par l'étude de la phonétique historique, dont vous voyez qu'elle devient nécessaire pour acquérir un certain niveau de savoir. En mentionnant l'étude de la phonétique historique, j'espère simplement avoir éveillé votre curiosité. Rassurez-vous, cette matière n'est pas considérée comme indispensable à des débutants et je n'en traiterai pas ici. J'en reviens à un troisième point de lecture qui, lui, doit être approfondi car il est capital. Il s'agit de la syllabation. On lit ligne 35, il treuve une tour forte et grande et menuement kernelée. J'ai lu treuve, mais menuement, en ne procédant pas à la même syllabation de la séquence écrite U-E. Rien dans l'édition ne marque que cette séquence doit se lire différemment. Et de fait, je m'appuie sur mon intelligence globale du passage pour lire d'un côté treuve, mais de l'autre menuement. Comme vous le voyez avec ces exemples, la syllabation des mots n'est pas toujours manifeste dans La mort Arthur, édition Frappier. Or, c'est une question sur laquelle nous sommes bien renseignés, parce que de nombreux textes médiévaux sont écrits en vers exactement mesurés. Par ailleurs, vous voyez bien que si Jean Frappier avait édité menuement en surmontant le U d'un tréma, nous aurions su d'emblée qu'il y avait une différence de prononciation entre treuve et menuement. Enfin, c'est une question très importante, cette question de la syllabation, pour comprendre de nombreux points de morphologie. On a coutume de fort peu marquer les syllabes de textes en prose, où il manque le cadre du vers pour nous assurer du nombre de syllabes d'un mot donné. Nous allons nous entraîner à syllaber avec le Perceval de Chrétien III, tel qu'il nous a été transmis par le copiste Guyot, un champenois du XIIIe siècle. Je prends au vers 69 de l'édition de Félix Le Coin. Je lis. Ce fut autant scarbe fleurissent, feuillant bosquege pré verdissent, et s'il oiselle en lourd latine, doucement chantent au matin, et toute rience de jouer en flamme, que les fils à la veuve dame de la gaste forest soutaine se leva. Et ne lui fut peine qu'il s'asselle nemoïste sur son chasse-our et preuiste trois chevelots. Et tout ainsi, force de manuer sa mère ici, et pensa que veuer irouer herche ours que sa mère avouait, qui ses aveines li herchouent. Peu doutes et six hierches avouer. Ainsi, en la forêt s'en entre, et maintenant, les cœurs del ventre, pour le doux danse, l'y restuit, et pour le chant que il louit des oiseaux qui jouaient fait jouer. Toutes ces choses lui plaisouent. Pour la doute sourde del temps serein, hosta au chasseur son frein, s'il le laissa à l'air paissant, par l'herbe fraîche verde hante. Et s'il, qui bien l'entière s'avouait de javelots qu'il avouait, alouette environ lui lançant une our arrière et autre avant, une our en basse et autre en haute, tant qu'il ouït parmi le gout venir cinq chevaliers armés de toutes armes à ses mets. Et moute grand'oise démenouer les armes à cette qui venouer, car souvent hurtouent des armes, des reines, des chaînes et des charmes. Rappelons que la dernière syllabe du vers à tomber sous l'accent tonique est la huitième. Cette huitième syllabe peut donc être suivie d'une neuvième syllabe qui comporte un E atone. Pour le reste, les rapports entre graphie et prononciation sont les mêmes que ceux qui ont été exposés pour la mort Arthur. Je choisis en effet de lire dans la prononciation du copiste. Ce texte, pris comme exemple de l'usage du tréma, nous offre en outre une occurrence de l'affricatif « ze »,« bus tuts » au vers 84, et un exemple de « x » final, « weziaus » au vers 89. Nous allons terminer ces questions de prononciation sur une question aussi fondamentale que la syllabation, celle de l'accent tonique. J'emploie ce syntagme dans le sens qu'on lui donne traditionnellement dans les phonétiques historiques du français. Je veux parler de l'accent tonique des mots pris individuellement. Les mots pleins du français moderne et de l'ancien français portent des accents toniques que l'on ne marque jamais dans les textes, mais que les spécialistes de l'ancienne langue s'ingénient à faire figurer dans leur grammaire, du moins s'ils sont un peu conscients. Il est très important que vous aussi soyez conscient de la place de l'accent tonique lorsque vous étudiez la phonétique historique du français. Mais même en dehors de cette discipline spécifique, il vous sera utile de bien faire entendre l'accent tonique des formes françaises et de leurs étymons pour vous imprégner du fonctionnement des déclinaisons et conjugaisons. Voici donc quelques exemples de prononciation avec accent tonique fortement marqué. Je les prends dans Perceval, édition Le Coin. Pour effectivement entendre l'accent tonique, notez bien ceci. Pour un mot plein donné, je ne parle pas des conjonctions, des mots subordonnants, des déterminants du nom, etc., l'accent tonique n'a pas changé de place du latin à l'ancien français, ni de l'ancien français au français moderne. Dans ce dernier état de langue, il frappe la dernière syllabe effectivement prononcée en français standard. Par exemple, pour nous en tenir au dernier mot des vers 69-74 de Perceval, édition Le Coin, nous avons respectivement, en français moderne, fleuris sur ri, ancien français du texte, fleurissent, verdis sur di, ancien français du texte, verdissent, latin sur tin, ancien français latine, matin sur tin, ancien français matine, en flamme sur fla, ancien français en flamme, et dame sur da, ancien français dame. Voici maintenant des mots tirés de Perceval, édition Le Coin, pris entre les vers 1301-3407, vers 2648, puis nagers entres este, este, latin statum, vers 2558, à courte et comté et retraite, comté, latin computatum, vers 2849, felirues dimue verite, vérité, latin veritatem, vers 1441, plutost ne degrenur vertu, vertu, latin virtutem, vers 1442, li prodom sot mut de l'escu, escu, latin scutum, vers 2255, concus chevaliers not grenur, grenur, latin grandiorem, vers 2256, et garde ce tu as seigneur, seigneur, latin seniorem. Voici des exemples de conjugaison d'indicatifs présents. Ancien français, aime, aime, aime, amo, amet, aime. Latin, amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. Ancien français, voué, vouet, vouet, veon, veet, vouent. Latin, video, vides, vides, videmus, videtis, vident. Ancien français, cuit, quid, squid, quidon, quidget, squid, latin, cogito, cogitas, cogitat, cogitamus, cogitatis, cogitant. Vous entendrez encore prononcer de l'ancien français et tirer du Perceval, édition de Monsieur Lecoy, dans la suite des cassettes qui sera dévolue à des questions de lexique. Je vous remercie, c'est la fin de l'enregistrement numéro 2.